qui m'a donné les plus beaux souvenirs. Écoute-moi un instant, viens t'asseoir un peu, j'ai des choses à te dire sans trop savoir comment. J'ai peur de te blesser, mon pauvre amour. Souviens-toi, rien ne devait nous séparer, mais le temps efface tout. Il est bien trop tard pour tout recommencer. Il ne reste plus rien de notre amour. Il ne reste plus rien à seuls jours. Et c'est déjà la fin de notre amour. Plus rien.